Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons finir l'émission en restant dans le filon de l'histoire des sciences du 18e siècle avec Volta et Galvani. On va faire un bond jusqu'au milieu du 20e siècle. Et maintenant, c'est Camille Bélanger-Vincent qui va nous raconter comment Rosalind Franklin a contribué de façon déterminante à la découverte de la structure de l'ADN et comment et pourquoi elle n'a pas reçu le prix Nobel. Bonjour Camille. Bonjour. Oui, ben c'est ça exactement. Donc c'est une, elle a contribué de manière assez importante à la découverte de la structure de l'ADN qui s'est fait en 1953. Par contre, elle a pas eu la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir. Donc moi, c'est ça. C'est une scientifique anglaise qui est à peu près inconnue du grand public que moi j'ai entendu parler pour la première fois durant mon bac en microbiologie dans des cours de génétique. Donc on a brièvement parlé, survolé son histoire, mais c'était très bref là. Et en fait, ça faisait que, pour ma part en tout cas, ça n'a fait qu'éveiller ma curiosité sur son histoire à elle. Et j'avais raison d'être curieuse parce que son histoire, c'est vraiment digne d'un film. D'ailleurs, il y en a eu certains. Il y a eu des livres qui ont été écrits pas sur son histoire à elle particulièrement. Donc, il y en a eu quelques-uns sur son histoire à elle, mais il y a eu un film, notamment là, américain, assez blockbuster, là, si vous me permettez l'expression, dans laquelle on raconte l'histoire de la course à la découverte de l'ADN, parce que c'était littéralement une course qui s'est jouée au début des années 50 et à laquelle ont été conviés parmi les plus grands chercheurs de l'époque. Par contre, selon plusieurs, dont la biographe de Rosalind Franklin, l'image de la scientifique est plus ou moins reluisante dans la plupart des films et des écrits qu'il y a eu sur cette course-là. Et petite fait à noter que j'ai vu en faisant moi-même de la recherche pour cette chronique-ci, j'ai vu qu'il y allait avoir sous peu un film qui allait être fait et dans lequel Nicole Kidman allait jouer le rôle de Rosalind Franklin. C'est une adaptation cinématographique d'une pièce de théâtre qui a été jouée à Londres récemment. Là. Donc peut-être que le nom de Rosalind Franklin va se faire entendre de plus en plus. Voilà. Donc l'histoire. Qui était-elle? Comment ça commence? Oui, c'est ça. Pourquoi finalement on raconte son histoire aujourd'hui? C'est une Anglaise, comme je l'ai dit, qui est née en 1920 dans une riche famille juive londonienne. Dès son plus jeune âge, très douée à l'école, à une époque où les femmes, faut-il le rappeler, n'y étaient pas particulièrement encouragées à faire des études, surtout pas en sciences. À 16 ans, Rosaline était déjà passionnée par la chimie, la physique, les mathématiques. On voit un peu le genre d'ado là, que c'était. Malheureusement, la science était enseignée différemment selon le genre des élèves. Donc, les femmes recevaient un enseignement qui était axé plus sur la minutie, sur la propreté, la répétition, pour être davantage, disons, technicien, plutôt que sur l'audace et vraiment l'amour de la science. Ce dont, pourtant, Rosalind Franklin ne manquait pas. Et, à 18 ans, elle reçoit une formation de chimiste, finalement, et se rend jusqu'à l'Université Cambridge, où elle reçoit un doctorat en 1900, tout juste avant les années 1900, où elle est engagée à King's College, finalement, à Londres, où elle était censée travailler sur la diffractométrie par rayon X des protéines et des lipides. Mais cette décision-là de son sujet, ses recherches avait été prise avant que la structure de l'ADN ne devienne l'attrait scientifique de l'heure, parce qu'à cette époque-là, quelques années plus tôt, en fait, il y avait plusieurs scientifiques qui, ensemble, avaient réussi avait contribué en fait à prouver que l'ADN et non la protéine comme on le croyait au départ était ce qui transmettait les attributs héréditaires. Mais quand finalement Rosalind est arrivée à King's College en 1950, le mystère persistait parce que la molécule d'ADN était immensément plus est immensément plus simple qu'une protéine et la communauté scientifique finalement se demandait comment une substance aussi peu complexe, aussi simple que l'ADN pouvait permettre une telle diversité d'organismes vivants là, tels qu'on le connaît. Et donc, c'était ça la question à laquelle Rosalind Franklin voulait répondre et qu'elle a réussi à répondre. Oui, c'est ça. Ben, tout le monde se posait cette question-là à ce moment-là. Elle et d'autres, il faut dire qu'elle n'est pas toute seule, elle a contribué à ça. C'est elle et plusieurs autres scientifiques qui se sont penchés sur cette question-là. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y avait vraiment une course entre universités pour savoir, entre finalement chercheurs, pour savoir qui allait élucider élucider finalement le mystère de la structure de l'ADN qui permettait une telle diversité. Donc, qui finalement. Sont les autres? Oui, c'est ça. Donc, d'un côté, il y avait King's College. Bon, là, je vais simplifier. Disons, il y avait plus que seulement deux universités qui se penchaient sur la question. Mais bon, pour simplifier un peu la chose, il y avait principalement King's College, qui était, l'université où Rosalind Franklin travaillait. Donc, il y avait Rosalind Franklin et Maurice Wilkins. Les deux étaient collègues, finalement. Et de l'autre côté, il y a Francis Crick et James Watson de l'université Cambridge. Cette rivalité-là, bon, il y a d'un côté Cambridge et de l'autre côté King's College, était loin d'être aussi simple que ça parce que Rosalind et Wilkins, les deux collègues, finalement, ne s'entendaient pas du tout. Ils étaient collègues, mais Wilkins était de rang supérieur. Okay. Et lui n'appréciait pas beaucoup le caractère assez intransigeant de Rosalind. Et elle, de son côté, selon sa biographe, elle le trouvait inutile. En fait, les deux étaient tout simplement de tempérament opposé, Rosalind étant une femme forte de caractère, alors que Wilkins était plutôt timide. Mais est-ce qu'elle était si sévère que ça, Rosalind? En fait, elle a vraiment deux côtés. Dans le labo, j'aurais tendance à dire que oui. C'était une chercheuse qui était très terre-à-terre et intransigeante, comme je l'ai déjà dit, qui ne se fiait qu'à des données expérimentales plutôt qu'à son instinct pour tirer des conclusions. Elle était rigoureuse. Oui, elle est très, très, très rigoureuse. Dans le contexte d'une course à la découverte de la structure de l'ADN, elle n'était pas la mieux placée pour gagner, étant donné que ça lui prenait toujours toutes les données en main avant de formuler une hypothèse. Alors que dans un contexte de course, il y en a d'autres qui se sont pas gênés pour pas avoir autant de données expérimentales avant de publier dans des revues scientifiques. On l'a d'ailleurs vu par d'autres hypothèses qui ont finalement été rejetées sur la fameuse structure, donc des hypothèses de structure de l'ADN qui ont été émises avant 1953 et qui ont finalement été rejetées faute qu'il manquait de données scientifiques, là. Faut également savoir qu'à l'extérieur du labo, comme je disais, Rosalind était une bonne vivante qui appréciait la littérature, la langue française particulièrement, une belle femme qui était toujours bien aimée, qui aimait s'amuser. Sauf qu'elle était malheureuse à King's College, notamment parce que selon sa biographe, l'atmosphère y était très sexiste et cette situation a certainement miné sa relation avec ses collègues. Mais même au niveau de l'approche scientifique à adopter dans le labo, Wilkins et Rosalind ne s'entendaient pas. Wilkins, il s'est tourné vers un de ses amis qui était un ami de longue date, Francis Crick, qui était finalement le rival de l'université Cambridge. Il cherchait un partenaire avec qui simplement discuter des résultats de recherche, mais finalement avec qui aussi potiner contre Rosalind, qu'il n'aimait vraiment pas. Et finalement, c'est à lui et à son collègue James Watson, finalement les deux rivaux, que Wilkins a montré en 1953 une photographie désormais célèbre appelée la photo 51, une photo d'ADN prise par Rosalind en diffractométrie de rayon X. La photographie était tellement claire qu'elle constituait finalement à elle seule la clé de l'énigme à la structure de l'ADN. Mais bon, inutile de préciser que Rosalind n'avait pas été consultée avant que Wilkins. Mais Wilkins était son collègue, donc lui avait la permission d'avoir cette photo-là. Ce qu'il avait pas la permission de faire, c'était de la montrer aux rivaux finalement. Également, il aurait montré certains documents élaborés par sa collègue où étaient décrits des résultats expérimentaux. Et finalement, tout le monde semble dire que les deux, Crick et Watson, seraient arrivés au même résultat, mais la contribution involontaire de Rosalind a grandement facilité la tâche. Et donc, si Watson et Crick ont pu tirer des conclusions rapidement là, avec les résultats de Rosalind, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas su le faire elle-même? Ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on pense, c'est qu'elle était... C'est pas qu'elle n'était pas capable, mais comme je l'ai dit plus tôt, elle-même voulait tellement, avait besoin de récolter l'ensemble des données expérimentales avant d'arriver à une conclusion. Pour elle, cette photographie-là ne suffisait pas à prouver hors de tout doute la structure de l'ADN. Ce qui est triste, par contre, c'est qu'elle a jamais véritablement su l'impact de cette photographie-là pour sur la suite, ouais. Parce que en fait elle est morte en 1958, soit presque 5 ans jour pour jour après la publication par James Watson et Francis Crick. Est-ce qu'elle figurait sur la liste des auteurs de la publication de Non, elle n'était pas dans les auteurs et elle a eu un remerciement, mais elle n'était pas dans les auteurs. Et c'est ça. Donc finalement, elle est morte en 1958, donc 5 ans après la publication de l'article. Et mais 4 ans avant que le prix Nobel soit décerné, ouais, à Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins, ah, oui, son collègue finalement, qui a été aussi récipiendaire de ce prestigieux prix, celui-là même qui a tenté finalement de discréditer Rosaline. Mais voilà, et l'ironie du sort, c'est qu'elle est décédée d'un cancer de l'ovaire après surexposition à la radioactivité. C'est pas prouvé hors de tout doute que son travail est la cause directe, mais disons qu'il y avait pas beaucoup de précautions à l'époque qui étaient prises et ça l'a pas dû aider, là, voilà. Mais aussi, il faut dire qu'on n'attribue pas les prix Nobel à posthumes, oui, c'est ça. Donc, on saura jamais vraiment si elle aurait reçu si elle n'était pas décédée en 1958. Et rapidement, en fait, est-ce qu'elle avait une descendance, Rosalind? Non, c'est pour ça qu'elle est restée un petit mystère, parce que c'est une femme de caractère qui accordait plus d'importance à sa carrière qu'à sa vie personnelle. On lui connaît aucun conjoint ou conjointe. Mais selon sa cousine, moi j'ai lu sa biographie, la biographie qui a été faite il y a quelques années, puis celle-ci aurait dû... Rosalind aurait dû fonder une famille, mais selon sa cousine, elle était trop intelligente pour les hommes autour d'elle. Donc voilà. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup Camille de nous avoir fait découvrir Rosalind Franklin. Je pense que c'est une femme qui mérite d'être connue. Tout à fait. Merci beaucoup Camille. Au revoir.